Allô? Oui, bonjour madame. Vous êtes bien titulaire d'abonnement téléphonique 96. Oui. Vous faites partie, madame, des personnes qui ont des problèmes avec le téléphone chez France Télécom à l'appareil. Le téléphone est bien? Oui, vous avez eu des appels ce matin et vous ne les avez pas entendus. Ah ben, je n'étais pas là. Oui, et il y en a eu 7. 7? 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit réglage, hein, parce qu'il faut qu'on répare ça immédiatement. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez poser le combiné dans lequel vous me parlez à côté du téléphone. À côté du téléphone. Et vous allez reculer. Bon, alors, oui. Et vous allez me parler très fort, mais en reculant de 5-6 mètres. D'accord. On va faire le réglage avec Michel. Bon, alors voilà, je suis à peu près à 5-6 mètres et voilà, je vous parle à votre place. Je vous parle de là. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Je ne sais pas pourquoi dire. À poil Michel, à poil. À poil. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Bon, est-ce qu'il faut que je continue, je ne sais pas. À poil Michel, à poil. C'est bon? Allô? Oui. Ah, madame Michel. Oui, j'étais à 4 mètres. Voilà, il faudrait bien retournez-y. Oui. Parlez, on vous entend pas très bien, il faudrait parler plus fort. Bon, alors il faut que je parle quand même plus longtemps que ça. Oui, et plus fort. Voilà. Bon. À poil Michel, à poil Michel, à poil. Un quart d'heure plus tard. Une heure plus tard. Une heure et quart plus tard. Une heure et demie plus tard. Deux heures plus tard. Ça fait quand même 2 heures et demie que ça dure. On va chercher un café. Et on revient, il y a quelqu'un qui reste en studio qui me fait signe dès qu'elle arrête. La la la la, je sais pas si je continue encore. La la la la, j'ai des ciels descendus dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Tu peux m'amener une petite bouteille, s'il te plaît. Merci. Un petit peu plus qu'au nouveau. La la, bon, c'est peut-être suffisant, hein. Je sais pas. Allô? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh, c'est une blague, ça! Il nous en fait marcher!